vivant, ton indifférence. Toi, qui du haut de ta tour me nargue de ta beauté. Qui me regarde mourir d'amour, du haut de tes remparts, seule ma mort apaisera ta faim.